Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir, mes frères bien-aimés. Comment allez-vous? Nous allons très bien. Et gloire au Seigneur. Le frère Francis. Personne ne veut te dire bonsoir ici, hein? Bonsoir, frère. Bonsoir. Je crois que on ne devrait pas me saluer. Nous sommes contents de te voir, frère. Tu es content où? Bonsoir, frère. Oui, bonsoir, mes bien-aimés frères et sœurs, comment vous allez? Frère, comment tu vas? Le premier contrôle de faiblesse, nous approchons de nous. Amen. Nous notre. Nous sommes vraiment contents ce soir. Nous sommes également très contents. Un instant, je vais appeler mon épouse. De retour, frère. Oui, de retour. Oui, je sais qu'on m'appelle, c'est les frères avec qui je vais prier. Le nom de Dieu, allons comme ça. Je ne sais pas s'ils m'entendent. Allô? Allô? Tu es connecté, allô? La soeur Christiane. Oui, moi je suis bien connecté, c'est juste que je m'installais. Attends. Vas-y, ma princesse, vas-y. On ne te voit pas, il y a de gros chez toi. Attends, c'est parce que, en fait, comme j'ai ça sur le téléphone, j'étais en train de configurer sur l'ordinateur. Attends, mais excuse-moi, désolé, rendez-vous. Allez-y, les enfants. Voilà. Ça va? Dis bonsoir à tout le monde, donc. Dis bonsoir. Dis bonsoir. Dis bonsoir. Amen. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Allô? Ça va bien comme ça? Il y a quelqu'un qui a le bafle. Frère Francis, tu as le bafle. Tu as le bafle. Ah, oui, j'ai le bafle. Oui, c'est ton bafle. C'est ton bafle qui a de fait. Non, quand elle a de parler, il faut couper ton micro pour que ça ne dérange pas comme ça. Non, là, c'est bon. Ok. Ça m'entendait. Voilà, Saint-Sucin. La Sainte Christiane, est-ce que tu vois le frère Francis du Maroc? Oui, je vois. Je vois tout le monde. Tu ne lui as pas dit bonsoir. Bonsoir, frère. Bonsoir, comment tu vas? Ça va, quand je dis ça va. Tu es en Belgique, c'est ça? Oui. Ah, ok. La soeur Enna, Enna Tamé, bonsoir. Bonsoir, frère Junior. Bonsoir, bonsoir, frère et soeur. Bonsoir, soeur. On vous dit bonsoir. Ok, je m'enferme maintenant. Désolée. Donc, tu seras seul là, n'est-ce pas? Oui. Comme ça, mon mari va s'occuper. Il est avec les enfants. Oui. On va prendre la sœur. On va prendre la sœur Sophie, Marie-France Sophie, du côté de Paris. D'accord. Si elle est connectée, on va commencer. Vous savez au moins chanter les cantiques, non? Ok. Et il y a même la sœur Erna là, Erna qui est une canticologue. Qui est quoi? Une canticologue. Ah, gloire à Dieu. Du côté du Maroc, il fait encore froid. Oui, ce week-end-ci encore, là, il a beaucoup plu. Et la température a baissé encore. Oui. Alors, la semaine, ça va un peu remonter, mais bon, là, c'est un peu redescendu. Amen. Et ma soeur, de côté, toi, tu oh non, c'est la chaleur par ici. Ah oui. Hein. Ma soeur Christiane, du côté de la Belgique, dans quelle ville de la Belgique? À la périphérie de Bruxelles. À donc Bruxelles. Je suis à Wemel exactement. Ouais. Et il pleut, il fait trop froid aussi là-bas. Non, aujourd'hui, il fait quand même un peu meilleur, mais il fait froid. Il fait meilleur qu'hier par exemple, mais il fait quand même froid. Ok. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, les frères William vont nous conduire dans le cantique, et puis il va passer la parole au frère Francis qui va nous enseigner. Même moi, il m'avait cherché ma Bible, moi aussi, maintenant, aujourd'hui. Donc, la soeur Christiane, as-tu des questions à poser avant qu'on ne commence au frère, le pasteur Francis qui va nous prêcher depuis 4 ans? Pour le moment, non, pas tu fuis déjà le titre, hein? Donc, il n'y a pas de questions, la sœur Christiane? Non, pour le moment, après, non. Ok, ok, ok. Donc, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Cantique numéro 200, dans le champ de victoire. Veille au matin. Veille au matin, quand le ciel sans nuage, sans annoncer un jour calme et serein. C'est dans ton cœur que peut grandir l'orage qui fait tomber le pèlerin. Veille au matin, veille le soir. Thank you. Yeah.

Qu'importe qu'on voie tous nos veille à la détresse quand il reviendra. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, qu'elle écoute sa voix. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son nom. Les cieux et sur la terre, il n'y a aucun homme plus doux, aucun plus mon cœur plus faible. Yeah. le nom de Jésus est si doux de Dieu des amables pour nous. Il nous appelle au rang de vous précis, le nom de Jésus. Béni soit ton nom. Ma dette et mon péché. Bonsoir à vous tous dans le monde entier. Bonsoir la sœur Marie-France et la sœur Eguette. Bonsoir. Bonsoir. Du côté de Paris. Rebonsoir à la sœur Christine de la Belgique. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à la famille Camille Mbana avec ma sœur Stéphanie. Bonsoir du côté du Canada. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à la sœur Sandrine Obam de Évry-sur-Seine, c'est ça? Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir au frère Trabi avec son épouse du côté de la Belgique également. Bonsoir. Bonsoir. Shalom, frère. Shalom. Bonsoir la sœur Karine du côté du Canada également. Bonsoir. Bonsoir au frère, le frère célèbre Bamba Iba. Bonsoir. Bonsoir. Alors, donc, bonsoir au frère Stéphane, c'est à Madrid ou bien du côté de Lyon? Je suis arrivé à Lyon hier. Bonsoir. Bonsoir du côté de Lyon, bonsoir, bonsoir. Bonsoir mon frère, bonsoir. Donc voilà le frère, je crois que la soeur Carole est allée accompagner les enfants, là, elle va rentrer. Bonsoir à, encore au couple Francis Tamé du côté de Casablanca, bonsoir. Voilà le couple Francis. Donc voilà le frère Bamba Iba, c'est son nom. Quand vous me demandez chaque fois qu'est-ce qu'il veut dire Bamba Iba, le voilà. Bonsoir frère. Bonsoir frère Bamba Iba, c'est ouais, vous le voyez n'est-ce pas? On le voit pas. Eh bien, dans ce cas, dites qui se présente, alors le voilà qui bouge la main là. Bonsoir. Donc voilà le frère Bamba Iba, donc... qui coordonne la chaîne qui porte justement son nom. Donc les gens me diront chaque fois que Bamba Iba c'est quoi, Bamba Iba c'est quoi là, le voilà. Davina bonsoir, Davina Bamba bonsoir. Donc vous tous dans le monde entier, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes contents de vous savoir nombreux connectés ce soir à cette réunion de l'Assemblée. Nous sommes vraiment heureux de vous rencontrer et de vous voir. Vous êtes content de les voir. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà. Donc nous allons prier pour eux. Étendons la main, prions pour tous ceux-là qui sont connectés et pour tous ceux qui nous écoutent en différé. Prions que la grâce du Seigneur les accompagne. Que la grâce du Seigneur les accompagne. Et que dans tous les domaines où il y avait la faiblesse, que Dieu les fortifie. Prions. Une fête de grâce, de merci au roi de gloire, Seigneur, pour ta grâce et ta fidélité. Je te remercie parce que ton retour de grâce, tu nous accordes au roi de gloire, pour recevoir le Seigneur le frère de soi, pour nous donner ton grâce et ton retour. Je te remercie pour bien t'ouvrir les épreuves de soi. Je te remercie maintenant de laisser ta grâce. Merci de ton grâce, Seigneur, pour ce cœur que tu donnes pour que tes valeurs prennent le pouvoir se souvenir de nous à chaque jour. Merci pour ce que tu fais pour notre roi. Que tout cela se fasse sur ce Seigneur. Seigneur, merci pour ta grâce. Amen. Prions pour eux, pour tous nos frères là, tous ceux-là qui sont à l'extérieur, parce que c'est pas facile pour eux. Prions pour eux que le Seigneur les garde de toutes souillures du monde et qu'il les préserve du malin. Prions pour eux. Prions pour tous ceux-là donc, pour tous les membres de leur famille qui sont avec eux, et pour tous ceux donc, parce que quand ils sont à la distance, ils pensent à leur famille. Prions également pour leur famille, que le Seigneur touche le cœur des membres de leur famille. Prions pour eux. Amen. Prions que Dieu les donne d'exercer dans le lieu que Dieu les attend. Parce que l'une des choses qui dérange les chrétiens, c'est de savoir exactement où ils se trouvent. Demandons que ton Seigneur Jésus touche chacun et lui montre exactement quel est son rôle et sa place. Prions pour eux. Prions. Je suis un peu plus de temps. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Amen. Donc, je crois qu'il y a la sœur Elena de Maryland qui s'est jointe à nous. Bonsoir, sœur Elena. Il y a un son qui sort là, entre la chez la sœur Christiane et la chez le frère Stéphane. Attends un peu, j'essaie. Oui, dans ça, quand tu coupes ton micro, pourquoi ça ne dérange pas les autres frères? Alors, le frère Jean-Paul, du côté de l'Allemagne, est-ce qu'il est connecté? Oui. Frère Jean-Paul, bonsoir, on ne te voit pas, on te voit seulement, tu es assis comme le chef, comme le remplaçant du président de la République. Mais tu es assis sur la chaise du président de la République, c'est le président de la République là. Oui, tu es comme le président de la République. Je crois que tous les frères te voient là, tu es assis comme le président de la République là. Et tu t'appelles même Paul comme lui. Bonsoir, on ne te voit pas, on ne te voit pas. Tout le monde. Je crois que tu n'as pas mis ta caméra, je ne sais pas où se trouve la sœur Hélène. Oui. Et Flavie? Non, on sait que Flavie c'est ta femme, laisse. Il parle de Hélène. Hélène. Allô? Ouais, la sœur Hélène, on ne te voit pas non plus. Donc dis bonsoir, tu es connecté, tu vois les autres, on ne te voit pas. Que Dieu te bénisse. Ok, bonsoir à toute la famille. Oui, bonsoir. Bonsoir. On t'aime aussi, c'est seulement ce qu'on voit, on voit l'offre, on ne te voit pas. Que Dieu te bénisse. Amen, amen. Oui, mets ta caméra quand même en disant amen. Que Dieu te bénisse, la soeur Hélène de Maryland, quoi. Ma caméra est on. Bon, on ne te voit pas là. La soeur Karine, pourquoi tu es calme comme ça? Ok. Vous me voyez? On te voit justement, c'est pour ça qu'on a dit que tu es calme. Ah non, là c'est... Là va, je vais bien. Bonsoir à toute la famille. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Donc le frère Jean-Paul non plus n'a pas mis sa caméra. Mais de toute façon, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Bon, ma caméra est on. Mais on te voit, si tu veux, c'est moi nous présenter que tu es président, il n'y a pas de problème. Bon. Donc... Ça va maintenant? Non, on te voit toujours, tu es le président, il n'y a pas de problème, tu es le président. Donc bonsoir à tous les frères, bonsoir à tout le monde. Ma voix n'est pas bonne, donc je ne peux pas prêcher, c'est le frère Francis de Casablanca qui va nous... Il a certainement quelque chose sur le cœur que le Seigneur a mis pour nous. Frère Camille, tu te moques de moi, c'est ça? Non, frère. Depuis 10h ce matin, ici, on est en prière. Depuis 10h, on est en prière ici. Pour... Il y a des gens là qui ont été délivrés, que le Seigneur a visité. Donc, ma foi n'est pas bonne. Amen. Donc, on est pendu entre les lèvres du frère Francis. Frère Francis, toute l'assemblée, tu contrôles le monde entier maintenant. Que Dieu te bénisse. Donc, je crois que les autres frères, pour que ça ne dérange pas, que les autres frères ferment leur micro en dehors du frère Francis pour que l'enseignement soit fluide. S'il vous plaît, fermez vos micros pour que le frère Francis nous enseigne, nous donne la nourriture de ce temps convenable. Que Dieu te bénisse, frère, que Dieu te guide. Salam à tout le monde. C'est quoi, nous donne une grosse responsabilité là. C'est un petit partage, un petit message, simplement, que je pourrais donner. J'espère que tout le monde m'entend bien. Donc je suis consulte, hein, je suis Casablanca au Maroc. Je connais un certain nombre de personnes. Mais c'est pas qu'il faut que tu parles fort. Vous ne m'entendez pas bien. Là, vous m'entendez bien. On entend, mon frère. Il faut parler un peu fort. On entend, mon frère. Ok. Là, c'est bien. C'est bon. D'accord, ok. Parfait. Donc, je disais que je suis Francis de Casablanca. Je suis avec mon épouse ici, Anna. Peut-être que Karine du Canada doit connaître. Et Elena, probablement de Maryland. Donc, c'est un plaisir pour moi d'être là avec vous, hein, de pouvoir partager ce moment. Bon, le frère, je n'ai pas une très très grosse responsabilité. Je dis bon, je ne sais pas la capacité, je n'ai pas par ma force ni par la force d'une quelconque intelligence humaine. Mais c'est vraiment par la grâce et uniquement par la grâce du Seigneur. Amen. C'est vrai que je lui disais, quand on s'est écrit hier, je crois, que je voulais surtout partager un petit message par rapport au frère, surtout au frère de l'église de Douala. Amen. Amen. Ça sera une occasion aussi pour nous, les autres qui ne sont pas forcément à Douala, qui sont répartis dans le monde, de pouvoir prier pour nos frères qui sont au Cameroun. Amen. Si ceci aussi peut nous aider dans notre propre édification, dans notre propre foi. Donc, tout simplement, encore, comme il a été fait, nous recommander à la grâce du Seigneur, recommander nos cœurs à la grâce du Seigneur et que son nom véritablement soit béni. Amen. Donc, puissons-nous rendre grâce au Seigneur et lui demander toute sa sagesse, son intelligence par son esprit et surtout qu'il nous donne d'avoir le cœur disposé pour pouvoir une fois de plus être édifié, être construit et grandir dans sa parole. Amen. Père, je voudrais simplement te dire, c'est une joie, c'est une grâce, c'est une faveur que tu nous accordes de pouvoir nous réunir. Avant même que nous pensions et que nous puissions arrêter ce programme où nous ayons décidé de nous retrouver, Père, tu connaissais toute chose. C'est pourquoi rien ne fait sans ton accord, rien ne fait sans ta direction. Tu sais toutes choses d'avance. Et dans ce moment, tu les avais déjà arrêtés bien avant que nous nous retrouvions. C'est pourquoi nous te faisons entièrement confiance que ce que tu as prévu de faire s'accomplira au nom de ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu Jésus-Christ. Nous nous recommandons à ta grâce, nous nous recommandons à ta miséricorde, nous nous recommandons à ton amour. Laisse que nos cœurs soient ouverts et soient disposés afin que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ puisse encore rester en vie. Puisse trouver dans nos cœurs un éclat particulier, puisse trouver dans nos cœurs une disposition particulière qui nous permet, au Seigneur, oui, qui te permet de t'asseoir en nous, de t'incruster profondément en nous, afin que ta vie puisse resplendir et être manifestée au travers de nous. Que tout l'honneur, que toute la gloire te revienne à toi qui étais, qui es et qui revient bientôt. Amen. Amen. Amen. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Donc, notamment, chers frères, je voudrais vous partager, et comme je disais tantôt au début, c'était vraiment quelque chose qui était dans mon cœur par rapport aux frères de l'église et aux frères et aux soeurs, bien entendu. Vous savez, je crois que le Seigneur vous a accordé une grâce, une superbe grâce, d'avoir au milieu de vous le frère qui, à qui le Seigneur a donné la responsabilité d'être des anciens de conducteurs spirituels, notamment le frère Junior. Déjà, je vous dis d'avance, je n'ai pas eu à poser, à discuter avec lui. Récemment, de façon profonde. Donc, même ce que je vais dire, lui-même, vous ne savez pas, je ne veux rien, je ne peux pas entrer dans les détails par rapport à ça. Ce que je voudrais dire, c'est que nous recevons beaucoup d'enseignements, et des enseignements tellement profonds. Sur la chaîne Bambaïba, les enseignements sont postés ces derniers temps. Des messages sur le mariage, des messages. Spirituel, vraiment, le Seigneur est en train de. Ce que le Seigneur est en train de faire actuellement, c'est vraiment une œuvre de repentance dans le cœur de ceux qui y a. Nous sommes dans un siècle présent, un siècle de grande séduction. Ça, nous le savons tous. Et de par l'expérience que chacun a vécue, nous avons indigné, nous avons avalé un certain grand nombre de choses. Qui en vérité nous ont empoisonnés. En réalité, qui nous ont, au lieu de nous rapprocher plus de Dieu, ont souvent été des moyens de vous éloigner de Dieu. Et quand je parle ici du système de ce qu'on appelle, de ce que les hommes appellent le christianisme, hein, parce que, évidemment, comme nous le savons tous, le mot christianisme en lui-même n'est pas une invention du Seigneur, ce n'est pas le Seigneur qui a demandé aux hommes d'appeler la religion, certaines religions christianes. Ça, ce sont les hommes. Qui ont défini le christianisme comme un ensemble de dogmes, un ensemble de traditions, un ensemble de coutumes qui a trait à Jésus-Christ. Or, vous savez bien évidemment que notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas venu sur la terre pour apporter une quelconque religion, n'est pas venu sur la terre pour établir quelconque institution humaine n'est véritablement venu sur la terre afin de manifester le royaume des cieux sur la terre. Nous sommes l'incarnation du Verbe, c'est-à-dire que Dieu manifesté dans la chair. Et donc, il est venu dans cette terre pour amener les hommes à une relation profonde avec lui, pour ramener les hommes, ceux qui lui appartiennent, je précise bien, à la maison, à être en communion avec lui. Et lorsqu'il s'est manifesté sur la terre, le Seigneur est un sujet de scandale pour un grand nombre de personnes. Les paroles qui sortaient de sa bouche étaient des paroles qui scandalisaient. Et pourtant, les paroles qu'il disait n'étaient rien d'autre que les paroles qui avaient été déjà dites par le passé au travers de la bouche des prophètes, au travers de la bouche de Moïse. On connaît Moïse et les prophètes. Les paroles qu'il venait de dire étaient des paroles qui avaient déjà été prononcées, mais qui, dans la bouche de celui qui les avait prononcées, trouver un accomplissement ou trouver un aspect particulier qui est plus profond. Parce que quand il arrive, il se trouve devant les pharisiens, devant les sadducéens et devant le peuple. Et ce peuple, devant le peuple, se trouve, c'est un peuple qui a été éduqué, qui a grandi dans la connaissance de la Torah. La connaissance scripturaire, la connaissance des écritures, parce que dans les différentes synagogues, chaque sabbat était lu, la Torah était enseignée, la Torah, par ceux qui avaient la responsabilité de le faire. Mais lorsque le Seigneur Jésus Christ arrive devant eux, il révèle des écritures d'un point de vue spirituel, parce que ces hommes-là avaient une compréhension scripturelle, une compréhension. Donc, il ne percevait pas toujours quel était le plan de Dieu derrière les différentes écritures qu'ils ont pu recevoir. Et donc, pour eux, les écritures étaient devenues comme un ensemble de règles à suivre, qu'ils s'efforçaient de suivre, tant bien que mal. Ils se rendaient compte que dans leur vie au quotidien, ils n'y parvenaient pas. Ils n'arrivaient pas à accomplir pleinement ce que la part du Seigneur était en train de leur demander. Donc, ils essayaient tant que mal. Mais le Seigneur, vous connaissez toutes choses, a révélé quel était le véritable fondement, quel était le vrai fait de leur cœur, en démontrant que, en fait, ils avaient une apparence de piété, mais au fond, ils en avaient rejeté tout ce qui en faisait le véritable sens. Et pourquoi est-ce qu'ils en avaient rejeté le véritable sens? C'était tout simplement parce qu'ils n'avaient pas été en communion spirituelle avec les paroles du Seigneur. Et donc, pour eux, le Seigneur était un sujet de scandale. Rappelons-nous de quelque chose qui s'est passé dans l'évangile, tout est raconté dans l'évangile de notre frère et nous, Jean, dans le chapitre 6. Le Seigneur a accompli quelque chose d'extraordinaire. Il vient de multiplier le pain, il vient de multiplier le poisson, il a nourri 5000 hommes et plus, avec femmes et enfants. Et les gens étaient subjugués par ce qui venait d'être fait. Les gens étaient émerveillés d'un puisse multiplier avec si peu, puisse multiplier de telle sorte qu'un grand nombre de personnes puissent être nourries et eux-mêmes y aient un reste. Donc les gens étaient, cela n'avait jamais été vu en Israël. Et donc, à cause de ça, ils ont commencé à s'attacher au Seigneur. Au point où, lorsque le Seigneur envoya les disciples de traverser de l'autre côté, et que le Seigneur resta tout seul, et que par la suite, lui-même, il va traverser en marchant sur les eaux, les gens ont commencé à le chercher, jusqu'à traverser la rive, passer d'une rive d'un autre, coup, n'est-ce pas, pour essayer de trouver le Seigneur. Et lorsqu'ils vont trouver le Seigneur, ils vont lui dire, mais Seigneur, où est-ce que tu étais? On te cherchait. Et le Seigneur va leur faire comprendre, en fait, vous n'avez pas compris le sens de mes miracles. C'est parce que vous avez mangé que vous avez cru. Mais vous n'avez pas compris quel était le sens profond de mes paroles. Et là, il va commencer à leur enseigner, il va leur dire, il faut manger ma chair, il faut boire mon sang, mon corps est un, mon sang, pardon, est un véritable breuvage, etc., etc. Il va leur donner un enseignement. Et l'enseignement qu'il leur donne a choqué un grand nombre de personnes, même certains de ceux qui étaient appelés disciples du Seigneur furent choqués par cet enseignement. Parce que quand on écoutait d'un point de vue humain, d'un point de vue physique, il semblait que le Seigneur était en train d'appeler les gens à devenir des cannibales. Mais le Seigneur va leur dire une parole précise. Il a dit, les paroles que je vous donne, n'est-ce pas, sont esprit et vie. En d'autres termes, il était en train de dire, pour pouvoir cerner, pour pouvoir comprendre ce que je suis en train de vous dire, ce n'est pas par la chair, mais c'est en étant connecté à l'esprit du Seigneur que vous avez la possibilité d'avoir le cœur ouvert, d'avoir la pensée ouverte et de pouvoir saisir. Le Seigneur voulait faire entrer dans la dimension spirituelle pour que saisir les choses, même pas d'un point de vue humain, mais vraiment d'un point de vue spirituel. Parce que c'est le spirituel, comme nous le savons, qui a toujours la domination sur le plan physique. Tout ce qui est manifesté physiquement prend son origine dans le cœur. Et c'est un monde spirituel qui a la capacité de cerner les choses qui l'environnent. Parce que ce que nous voyons toujours n'est pas, pas ce que nous voyons avec nous, n'est pas toujours la vérité. On peut voir une belle fille passer, on a l'impression que c'est une belle fille, alors que peut-être en réalité, c'est en train de. Qui donne la beauté. Et nous allons faire, d'après le Seigneur, ce que c'est que la véritable beauté. On peut voir une belle fille brise passer avec un joli talon et on s'imagine tout de suite que c'est lui. Ça peut être une bonne personne. Mais après, derrière ça, ça peut être un peu qui est manifesté. On ne sait pas quelles sont les alliances que peut avoir. Et donc, si le Seigneur ne nous ouvre pas les yeux, pour que nous puissions avoir la perception spirituelle des choses d'une telle personne, on peut facilement se retrouver à tomber dans le piège. Et c'est comme ça que beaucoup d'hommes, à cause de l'apparence physique, sont tombés dans le piège. Donc, le Seigneur veut faire entrer ses enfants dans la compréhension spirituelle des choses. Parce que celui qui marche selon l'esprit, c'est la plus belle bénédiction qui soit pour nous à un même sujet. C'est savoir à chaque instant, à chaque moment de notre vie, ce qu'il faut faire, quand il faut faire. Et cette capacité de pouvoir comprendre les choses naturelles et de pouvoir marcher dans la volonté du Seigneur ne peut être possible que parce que nous sommes entrés véritablement en communion avec les paroles du Seigneur, en communion avec l'esprit du Seigneur, dans la foi donc que le seul capable de nous diriger dans les choses que nous devons faire. Le matin, comme nous le devons, en vérité, nous serons les hommes heureux si nous savions par avance ce que sera notre journée, comme il faut marcher dans notre journée. Remarquez un peu notre cher Seigneur. Sa vie me parle, elle me choque même, je veux dire. Il a vu que le Seigneur le fait, dont il était au courant par avance. C'est-à-dire, chaque chose qu'il faisait, s'il prenait le temps, comme le matin, d'être dans la présence du Père, alors qu'en réalité, il n'en avait pas besoin de Dieu manifesté, c'est parce qu'il voulait nous montrer quelque chose de très important. Et bien, il prenait ce temps-là d'être devant le Seigneur. Et on voit comment ces journées étaient remplies de victoire, victoire. Rien ne pouvait échapper, rien n'était hors de son contrôle. Et chaque chose qu'il pouvait faire, pertinemment ce qu'il fallait faire. Il savait pertinemment et précisément ce qu'il fallait faire. Frères et sœurs, imaginons un instant que dans toute notre journée, à chaque pas que nous pouvons poser, nous voulons la possibilité de savoir précisément ce que nous devons faire. C'est une vie de ça à ce point de vue. Je ne souhaiterais pas avoir une telle vie où je me lève le matin. Je sais exactement ce qui est dans la pensée de mon cœur, c'est exactement ce qu'il veut que je fasse. Ça serait une vie tellement aisée. Les choses seraient tellement faciles. Mais cela ne peut sortir parce que véritablement, nous sommes en communion spirituelle avec le Seigneur. Et donc, ce que je veux vraiment nous faire comprendre, c'est que la vie en Christ ou bien la vie chrétienne n'est pas simplement un ensemble de dogmes, de tradition à pratiquer, mais c'est vraiment une communion spirituelle. Et les enseignements que nous recevons, que le Seigneur nous accorde en grâce, par, que ce soit le frère Junior ou bien les autres frères, ce sont des enseignements pour lesquels Dieu veut nous faire entrer dans la compréhension spirituelle. Il ne voudrait pas simplement que nous soyons, comment dirais-je, des hommes qui fassent, des hommes ou des femmes qui fassent les choses juste par supplice, juste pour faire plaisir à tel ou tel frère. Nous le vivons pour faire plaisir à un homme, nous vivons pour faire plaisir à notre maître, à notre Seigneur. Amen. Et le Seigneur veut que nous ayons une relation véritablement personnelle et profonde avec nous. Mais comme ensemble, nous ne pouvons pas être surpris. Nous ne pouvons pas être surpris par les enseignements que nous pouvons recevoir. Parce que au préalable, celui qui est en communion avec le Seigneur, les enseignements que nous recevons ne viennent que confirmer ce que le Seigneur a déjà mis dans notre cœur. Parce qu'au préalable, nous avons pris la peine et le temps d'être en communion parfaite avec lui. Et donc, les enseignements du Seigneur nous sont là pour nous faire entrer vraiment dans la dimension spirituelle, pour que nous soyons des gens spirituels, pour que nous marchions par l'esprit. Et c'est ça le plus grand défi de toute personne qui s'appelle chrétien et chrétienne aujourd'hui, c'est de pouvoir marcher par l'esprit. Marcher par l'esprit, c'est le grand défi qui nous est donné. Et c'est notre responsabilité, c'est-à-dire ça devrait être notre quotidien, marcher par l'esprit, conduit par l'esprit. Et ces choses-là, ça ne se tient pas comme ça, ça ne vient pas juste parce que nous venons, par exemple, le jeudi, le dimanche, nous asseoir et écouter l'enseignement qui nous est donné. Mais ça vient parce que nous écoutons cet enseignement-là, nous avons le cœur disposé et nous nous mettons devant le Seigneur pour chercher davantage, pour continuer à creuser, pour être disposé pour lui, afin que ces paroles s'asseyent en nous. En fait, le Seigneur veut nous faire entrer dans la dimension spirituelle. Et lorsque j'écoute vraiment les enseignements du frère Junior, je sens dans son cœur, s'il pouvait entrer dans le cœur de chacun des personnes qui est en train d'écouter, et donc pouvait faire percevoir, leur faire arriver dans la dimension spirituelle, c'est ça qui bout dans son cœur. Ce n'est pas juste le fait de venir nous donner des enseignements, de nous donner des paroles, et dire non, ce qui est dans le cœur de notre bien, de nos frères, c'est de pouvoir nous faire amener dans la dimension spirituelle. Et si nous arrivons à entrer dans la dimension spirituelle, mes frères, mes soeurs, la vie sera facile. Chacun sera à sa position. Chacun fera ce qu'il a à faire. Le Seigneur n'en sera plus que de nous. Et donc, chers frères de gloire, vous qui avez la grâce, n'est-ce pas, d'être chaque jour inondé de ces paroles-là, vous devez comprendre que le but pour lequel le Seigneur est en train de donner ses enseignements et à une cadence vraiment très accélérée. Le but pour lequel le Seigneur vous donne ces enseignements-là en ce moment, à ce moment précis-là, c'est parce qu'il veut vous faire entrer dans une profonde dimension spirituelle. Je vous le dis sincèrement, et je vous en parle, je n'ai même pas discuté avec le frère Junior. Le frère Junior, lui-même pourra même témoigner ça, si ce que je dis est vrai ou si c'est faux. Le Seigneur l'a mis dans le cœur des messages secrets, secrets qu'il a envie de vous révéler. Dans son cœur, il a su là, ça coupe, il a envie de vous révéler certains secrets. Mais jusqu'à présent, frère Bouala, il n'est pas encore prêt pour les recevoir. Et dans son cœur, il crie vers le Seigneur, quand est-ce qu'ils auront le cœur prêt afin que je puisse leur donner ces secrets-là, que je puisse me débarrasser de ces secrets-là, pour qu'ils puissent entrer dans une profonde dimension. Je vous assure, mes chers bien-aimés, frères de Bouala, quand ces secrets-là seront dévoilés, le Cameroun va vivre quelque chose d'extraordinaire. Quand le Seigneur va faire en sorte que les secrets qui sont dans le cœur, qu'il a mis dans le cœur de son serviteur, soient révélés, pour sortir, et que vous puissiez capter cela, mes amis, vous allez vivre quelque chose d'extraordinaire au pays. Des choses Donc, je n'arrive même pas à prononcer des choses magnifiques. Mais seulement jusqu'à présent, vous n'êtes pas encore prêt, vous n'êtes pas encore disposé à recevoir ces choses-là dans le cœur de votre bien-aimé frère Junior. Vos pères ne sont pas encore prêts, vos pères ne sont pas encore pleinement disposés. Et ça retarde. Mais je peux vous assurer une chose, c'est que le Seigneur va le faire, c'est une certitude, il va le faire, mais il attend de vous que vos cœurs soient disposés pour que le secret qu'il a posé dans la bouche de mes frères puisse être relâché et que comme vous puisse connaître le réveil tant attendu. Parce que les gens, en fait, hein, aujourd'hui, on est fatigué. Le Jésus qui nous a été présenté, le Jésus qui a été dépeint, c'est un Jésus autre que le véritable Seigneur. Et dans le cœur de ses enfants et dans le cœur c'est actuellement, il a dit de manifester la véritable nature de qui il est. Le Seigneur a envie de se manifester tel qu'il est véritablement, afin qu'on reconnaisse la véracité, la vérité des Écritures. Parce que le Jésus-Christ est vivant, Jésus-Christ est vrai. Que nous le croyons, nous ne l'acceptons pas, il est vraiment ce qu'il a dit qu'il est. Et il va se manifester tel qu'il a dit qu'il est. Qu'on l'accepte, qu'on ne l'accepte pas, qu'on le veut, qu'on ne le veut pas, la vérité du Jésus-Christ va se manifester. Et nous le clairement dit dans les Écritures, je mettrai la différence, je ferai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. C'est une démarcation, je dis bien une démarcation claire et limpide sera mise entre ceux qui servent le Seigneur et ceux qui ne servent pas. Et par contre, on reconnaîtra cela, mes amis, ce n'est pas par le fait que vous aurez plus d'argent, ou vous aurez plus de voitures, ou vous aurez plus de maisons. Non, ce sera l'esprit de vérité qui sera en action au travers de vous. C'est là où la démarcation se fera. La démarcation se fera par la puissance de l'esprit qui sera manifestée à travers vous. Non seulement il faudrait d'abord que vos cœurs soient disposés, d'abord que vos cœurs se disposent davantage avant que ce secret soit relâché. Et je vous dis une chose, lorsque ces secrets seront relâchés, il y aura un signe particulier que vous verrez. Le signe particulier, c'est que vous allez commencer à vivre une grande persécution. Une très grande persécution. Ce sera le signe particulier. Ça sera fait de telle sorte que vous ne percevrez même pas. Si vous n'êtes pas assez sensible, vous ne percevez pas. Le frère ne viendra pas vous dire, bon, voilà le secret que le Seigneur m'a dit, il va me relâcher. Ceux qui auront le cœur disposé vont se dire, et à ce moment-là, quand vous allez voir que les persécutions commencent davantage à croire et à grandir, sachez que le moment est bon à vous. Et le temps est là, le temps est arrivé. Ça va se manifester. Dans mes chers frères de valeur, vraiment, je prie à Dieu pour vous, je prie le Seigneur, parce qu'il y a un moment magnifique qui est en train d'arriver, qui, comme je viens de le dire tantôt, sera suivi de véritables persécutions. Vous serez persécutés. Mais, de le faire, sachez que c'est le moment, c'est parce que vous êtes persécutés que la gloire du Seigneur est en train de se manifester. Donc, ne vous déplacez pas à pleurer quand ces choses, quand ce moment-là arriveront. C'est pourquoi soyez assidus à la parole, assidus dans ce qui vous est enseigné. Priez le Seigneur qu'il vous aide à entrer dans la compréhension spirituelle, dans la communion profonde avec son esprit, avec sa parole. Parce que si vous y arrivez, quand vous y arriverez, les choses seront simples. Vous verrez les choses telles que les. Parce que vous n'êtes pas si peut-être vous dites, ah non, le frère Julien, est-ce que vous voyez ça? Comment vous faites pour voir des choses comme ça? Comment vous faites pour comprendre des choses comme ça? Est-ce que c'est la magie? Est-ce que c'est. Comment vous faites? Non. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de magie. Il n'y a pas de favoritisme. C'est la disposition du cœur. C'est la disposition du cœur pour le Seigneur qui va vous faire entrer dans la compréhension profonde des Écritures. D'un point de vue spirituel. Donc, vous avez besoin d'être en communion profonde avec les Écritures, avec l'Esprit du Seigneur, avec la parole du Seigneur. La disposition du cœur la foi. Il y a deux choses qu'il faut faire, la foi et l'amour. Il y a deux choses qu'il faut rechercher par-dessus tout, la foi et l'amour. Rechercher ces choses parce que c'est ça qui attirera aussi, qui fera que qui attirera la parole de Dieu vers votre cœur, la foi et l'amour. Et ça aussi, c'est quelque chose, pas simplement bien entendu, pour les frères de qui sont à Douala, mais pour tous les autres frères qui sont de par le monde, qui actuellement sont en train de rechercher le Seigneur, qui sont en train d'être assoiffés pour le Seigneur. Il y a une œuvre qui est en train de se faire, les bien de nos frères. Il y a une œuvre qui est en train de se faire. Rappelez-vous des temps dans lesquels nous sommes. Nous sommes vraiment dans la période de l'Odysséenne, comme les Écritures nous disent. Dans une période où le Seigneur, mais tant que nous vivons, c'est une œuvre de repentance. Beaucoup d'entre vous, de par le monde, avaient un background religieux, sortant de différentes dénominations, sortant de différents endroits, de différentes tendances chrétiennes. Et durant toutes ces années-là, je vous assure, durant toutes ces années-là, nous avons pris beaucoup de déchets qui se sont entassés, et qui parfois remontent encore et peuvent empoisonner nos vies. Mais béni soit le Seigneur Jésus-Christ, parce qu'actuellement, il est en train de faire un véritable travail de nettoyage, un véritable travail d'alliage, comment dire en anglais, il suit, il est en train de balayer le cœur de ceux qui lui appartiennent, tout balayer de fond en comble, pour que sa parole s'établisse pleinement. Pour que nous comprenions les choses de manière spirituelle et que nous marchons dans cette dimension-là. Le Seigneur n'attendait pas de nous que nous soyons en train de nous efforcer par nos propres forces. Je vous prends un exemple simple. Je réfléchissais l'autre jour. Je veux dire, parce qu'il nous était facile lorsque nous étions de ce monde. Personne ne peut me coïncider pour le contraire. On a appris à pécher à personne. On a appris à mentir à personne. On a appris à voler à personne. Le mal, nous le faisons de façon naturelle. Insulter, nous le faisons de manière naturelle. Voler, nous le faisons de manière naturelle. On n'avait pas besoin de faire 3 jours de jeûne pour pouvoir aller se donner. On n'avait pas besoin de faire 3 jours de jeûne pour pouvoir aller se donner. On faisait le mal de manière naturelle. Ça sortait de nous de façon naturelle. Mais à plus forte raison, si cela était vrai pour le mensonge, pour le péché, à plus forte raison, la vie ne se manifesterait-elle pas de façon naturelle, de façon profonde. C'est en cela que nous reconnaissons véritablement que nous sommes fils d'Abraham. Parce que de plus le temps passe, plus la vie de Christ en nous devient quelque chose de naturel. Dire la vérité n'est plus quelque chose que nous nous efforçons de faire. Bénir celui qui nous insulte n'est plus quelque chose que nous nous efforçons de faire. Nous le faisons de manière naturelle. C'est en cela que la vie s'est incrustée en nous. C'est là que nous pouvons reconnaître véritablement que nous sommes parlés. Parce que la vie se révèle, elle se manifeste en nous au fur et à mesure que nous avançons dans la connaissance de notre maître, dans la connaissance de notre Seigneur, comment la vie se manifeste et se manifeste et se manifeste encore. Et il n'y a rien de magnifique que de voir la grâce du Seigneur se manifester au travers de nous, de voir la paix se manifester de manière naturelle, de voir l'amour se manifester de manière naturelle sans que nous n'ayons à forcer. Et le Seigneur est en train de faire ce travail de nettoyage pour que nous puissions donc manifester naturellement sa vie en nous. C'est le travail de l'Esprit du Seigneur dans ce temps. Puissons-nous comprendre ce que le Seigneur veut faire actuellement. Puissons-nous saisir ce que le Seigneur veut faire actuellement. S'il y a des choses sur lesquelles on revient, des choses pour lesquelles on revient, on est en train de résister, de réinsister, c'est parce qu'au préalable, nous avions, parce que le Seigneur sait que nous avions une mauvaise compréhension de certaines choses, et que là, il est en train de répéter ces choses-là pour que ça entre dans nos cœurs. Et pour cela, nous avons vraiment besoin d'avoir le cœur disposé, d'avoir le cœur ouvert pour le Seigneur. Notre désir, notre soif doit être de lui appartenir. Notre soif doit être de lui appartenir. Je t'en prie de tout. Il y a des versets dans la Bible qui me marquent toujours. Quand je lis ce passage-là, ça me traite, ça touche ça me fait fort. Je dis, mais Seigneur, comment arriver à telle complication? Dans le papier, c'est tout, dans les états, le psaume 25, le Seigneur dit quelque chose. Le secret de. Le verset 14, le Seigneur dit quelque chose qui va nous toucher au printemps. Il dit, le secret de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, pour leur faire connaître son alliance. Il dit, mais Seigneur, le secret du Seigneur est pour ceux qui le craignent et pour leur faire connaître son alliance. Mes amis, nous connaissons tous les grands de ce monde, les différents présidents. Nous les connaissons de nom, mais nous ne les connaissons pas intimement. Et ces gens-là ne sont que des mortels. Mais ceux qui ont la possibilité, ou bien ceux qui ont l'opportunité de connaître ces hommes-là de façon profonde, sont ceux qui sont leurs intimes. Et leurs intimes connaissent vraiment les secrets de leur cœur. C'est la femme du président, par exemple. Qui connaît l'intimité du cœur du président, ou bien ses amis profonds, ses amis les plus proches, qui peuvent dire qui il est véritablement. Ici, le Seigneur, ici, là, c'est Dieu qui parle et qui dit que son secret, il peut son secret, ce qu'il aime. Il est en train de faire son alliance. Ça, je parle. Je ne sais pas qu'il y a de. Que de être dans le secret du Dieu Tout-Puissant. Quand si on arrive à parvenir à ce niveau-là, de cette crainte qui nous permet d'être dans son secret, de cette crainte qui nous fasse connaître son alliance, mes amis, je vous assure, il n'y a plus rien qui comptera à vos yeux que de plus davantage ce Dieu-là. Que de craindre davantage ce Dieu-là, que de chercher davantage ce Dieu-là. Parce que si on révèle ses secrets, chaque jour, la vie devient plus facile, la vie devient plus aisée. On sait ce pourquoi nous sommes venus sur la terre. Et ce qui nous dérange énormément en beaucoup d'entre nous, c'est que nous ne savons même pas ce pourquoi nous sommes là, ce pourquoi est-ce que Dieu nous a créés, ce pourquoi est-ce que nous sommes positionnés, où nous sommes positionnés. Nous marchons parfois comme des aveux, nous marchons parfois comme des gens qui n'avaient aucun sous la terre. Et nous nous attachons aux choses qui sont tellement périssables, nous nous attachons aux choses qui sont vaines. Et nous mettons toute notre énergie, toute notre force, toute notre pensée dans des choses qui sont appelées à disparaître. Alors que le Seigneur nous fait près de nous, il veut que nous marchons les choses près de nous qui sont dans son cœur. Le Seigneur veut que nous puissions marcher en connaissant précisément ce pourquoi sont sur la terre. Nous devons le savoir. Dieu a fait la promesse à chacun des personnes qu'il a appelées de nous donner sa position dans le corps. Dans le corps physique, le bras, c'est qu'il est le bras. La tête, c'est qu'elle est la tête. Le pied, c'est qu'il est le pied. Le ventre, c'est qu'il est le ventre. Le cœur, c'est qu'il est le cœur. Et il connaît il connaît le rôle qu'il a joué dans le cœur. C'est pourquoi chaque jour, il joue ce rôle-là de façon parfaite. On n'a pas besoin de lui enseigner quoi que ce soit. Le cœur, c'est qu'il a pompé le sang pour que cela puisse entrer dans le reste du corps. Et il joue sa responsabilité. Si cela est faisable, beaucoup de choses qui sont inertes, entre guillemets, qui ne sont que matérielles, à plus forte raison de, pour ceux qui sont nés de l'esprit, comment pouvons-nous marcher sur cette terre sans connaître ce à quoi Dieu nous a appelés? Comment pouvons-nous dire véritablement que nous sommes enfants du Très-Haut et ne pas connaître ce pourquoi Dieu nous a implanté où nous sommes? Et c'est ça qui crée des frustrations dans nos cœurs, parce que beaucoup de personnes ne savaient pas ce à quoi Dieu nous a destinés, ce à quoi Dieu nous a appelés, ce pourquoi est-ce qu'ils sont dans le corps du Seigneur, parce qu'on n'est pas là pour venir enlever le corps, on est là pour avoir du respect. On est là pour servir. Et nous devons savoir. Et le Seigneur veut que chacun d'entre nous sache ce pourquoi il est sur cette terre. Et mes bien-aimés frères, je vous prie de supplier, mais aussi, nous ne savons pas, si vous ne savez pas précisément soit encore Dieu vous a appelé, soit pourquoi vous êtes dans son corps, de le supprimer, pour le disposer, pour vous révéler ce pourquoi vous êtes appelé. Et lorsque vous connaissez et vous comprenez ce pourquoi vous êtes appelé, je vous assure, finis les salutis, finis les. Seigneur, pourquoi est-ce que tu visites l'autre? Pourquoi est-ce que tu parles à l'autre? Pourquoi est-ce que tu fais à l'autre? Toi, à moi, tu ne parles pas. Pourquoi est-ce que tu donnes ton temps? Toi, à moi, tu ne donnes pas. C'est fini parce que le jour où je sais précisément ce à quoi Dieu m'a destiné, ce à quoi Dieu m'a appelé, je suis tranquille. Et le Seigneur ne me jugera pas par rapport à ce à quoi il ne m'a pas appelé. Le Seigneur ne peut pas t'appeler à je prends l'exemple avec, par exemple, l'évangéliste, et tu me pourquoi tu m'as appelé à quoi? Non, c'est par rapport à ta responsabilité que le Seigneur te demandera qu'as-tu fait de ce que je t'ai donné. Mais si déjà tu ne sais pas ce que le Seigneur t'a donné, et ce que tu as appelé à faire, comment pourras-tu être prospère? Comment pourras-tu avancer de façon joyeuse du secteur? Donc, le Seigneur a besoin que chacun de nous puisse occuper sa position et puisse rechercher ce à quoi il était appelé s'il ne sait pas ce à quoi il était appelé. Donc, pour dire simplement, recherchons, c'est vraiment le prix. Quand vous penserez à moi, vraiment, si je peux vous demander une faveur, quand vous penserez à Francis, la seule prière que vous pouvez faire, que je peux vous demander de faire, c'est que le Seigneur m'accorde la grâce de me craindre véritablement, qu'il m'accorde la grâce de vous plaire entièrement, esprit, âme et corps, de marcher conformément à sa volonté, de vous être entièrement obéissant et soumis pleinement à sa parole, d'être profondément communion avec lui, de tenir en cette cause, rien ne compte plus que moi, que la vie de Christ en moi. Et c'est la prière aussi que je fais pour chacun d'entre nous. Quand je me place devant le Seigneur, vraiment, je dis simplement à Dieu qu'il nous accorde cette grâce de véritablement faire la différence. Jésus-Christ doit être connu tel qu'il est véritablement. Nous sommes fatigués de ce Jésus-Christ qui nous a été dépeint, qui a porté plutôt séduction, qui entraîne les personnes dans le conduit, qui entraîne les personnes dans la rébellion. Au lieu de vous rapprocher davantage du Père, le Jésus-Christ qui nous a présenté nous éloigne du Père. Il y a un problème. Le Seigneur veut reprendre sa perspective, il veut démontrer que sa parole est véritable et vérité. Et pour cela, il a donc besoin de notre cœur, il a besoin de notre disposition, il a besoin de nous conformer, de nous consacrer pleinement à lui. Et le chemin n'est pas facile, certes, même si le chemin n'est pas facile, au moins il a fait cette promesse qu'il sera avec nous tous les jours de votre vie. Et nous tendra, il a toujours sa main tendue vers nous, et on attend de tout ce que nous puissions saisir la main qui nous tend. Donc nous avons besoin, Seigneur Jésus, nous avons besoin des enseignements que nous sommes en train de recevoir, des enseignements que le Seigneur nous permet d'avoir, doivent créer en nous une véritable dynamique, un dynamisme nouveau pour le Seigneur. Des enseignements que nous vraiment nous permettre de connaître Dieu Jésus, qui doit nous illuminer. Nous-mêmes nos cœurs, de telle sorte que nous puissions voir qui il est, nous puissions le consommer, le connaître tel qu'il est, profondément. Les paroles du Seigneur, je termine vraiment par là, les paroles du Seigneur, rappelons-nous encore, elles sont esprit de vie. Elles sont comme d'un sens spirituel où elles apportent la vie, elles se manifestent sur cette terre pour apporter la vie et non la mort. Donc nous avons besoin de saisir. Vous avez besoin d'entrer, de prendre sa parole au-delà de simples mots, au-delà de la simple lumière. Ta parole. C'est ce que le Seigneur attend de nous. Le Seigneur ne veut plus simplement des répétitions, des traditions que nous pratiquons, nous écoutons la parole. Mais nous pensons que c'est juste des simples règles qu'il est en train d'établir et que nous essayons par nos propres moyens de marcher dans ces règles-là. Ça n'a pas marché. Avant, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, ça ne marche pas. C'est pourquoi nous avons besoin de la vie. Nous avons besoin d'entrer dans la communion avec l'Esprit du Saint-Esprit pour que ces paroles-là véritablement vivent en nous. Donc vraiment, mes frères de Gaulle, nous vous portons à cœur, nous prions pour vous, nous intercédons pour vous, que le Seigneur puisse accomplir sa parole, que le Seigneur puisse manifester le plus rapidement possible, que ce qui est dans le cœur de son serviteur puisse être rapidement divulgué afin que notre cher pays puisse commettre un véritable bouleversement spirituel. Amen. Et aussi, pour les autres bien-aimés frères qui sont, que ce soit en Europe, en France, en Amérique du Nord, Canada, aux États-Unis, la parole du Seigneur à l'œuvre est en train de se manifester, elle est en train de s'étendre et elle va baptiser ses enfants, elle va s'assurer dans le cœur de ses enfants et une différence, je dis bien une différence concrète, véritable, visible, palpable et valable de tout qui sera fait par rapport à ceux et celles qui appartiennent à Christ. Attention-nous à notre Seigneur, continuons à nous attacher à lui, parce que le temps est déjà là, le temps est là, plus que jamais. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous accorde de sa paix, de fraude, sa correction, et encore votre message. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Voilà quoi, je te remets la parole. C'est ce que j'avais à simplement partager. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. Je suis sans Amen. Voix. Amen. Je suis sans voix. Frère, frère Stéphane, on ne te voit pas. Tu es parti, tu es rentré, on ne te voit pas. Tu me mets en fait, j'étais pas à la maison quand tu as appelé l'acheter chez un ami. Donc, le temps de quitter pour aller jusqu'à la maison. Oui. Je vais m'entrer comme ça. Disons bonsoir à, au frère, frère Daouda de Maryland aux États-Unis. Bonsoir, frère Daouda. Oui, tu as coupé ton micro, ouvre ton micro, on est parlé, dis bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à l'Assemblée. Bonsoir, bonsoir, frère. Bonsoir, bonsoir, frère. Je crois que tu as pris le message tout juste à la fin, je crois que c'est que le Seigneur a mis sur le cœur de frère Francis, et c'est valable également pour toi et pour ton pays également. Amen, amen. On est en train de faire en fait le ménage, d'accord. Donc quand tu m'envoies le message, je dis, ah ça c'est, il faut laisser tout tomber. Et vraiment suivre, en fait, venir suivre le message du Seigneur, ça c'est très important. Mais on occupe maintenant de nos activités. Dis bonsoir, bonsoir à ton épouse. Bonsoir. Que Dieu vous bonsoir. Bénisse, que Dieu vous bénisse. Merci. Bonsoir, bonsoir. Donc le frère Stéphane, on ne te voit plus, tu ne mets ma Agbapé, Dieu Adonai. Non mais j'ai mis frère, je me fais le temps, vous ne me voyez pas. J'ai le temps mis, attends un peu. Frère Francis, vraiment que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse. J'ai pris des notes, j'ai noté. Ah ben, sinon, ça va pour la caméra? Non. Du coup, il s'est passé, les gens, les autres personnes te voient. Même Elena, on ne voit pas Elena non plus. Elle nous met seulement qu'elle nous aime. Pourtant, oui. Donc, que Dieu vraiment vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je suis sans voix. Je suis sans voix par rapport à l'horloge divin, par rapport à ce que Dieu a de vouloir faire. Le frère Trabi. Bonsoir, rebonsoir. Tu es seul, où est la somme ici-bas? La sœur Sandrine, bonsoir, bonsoir. Frère Camille, tu as quelque chose à dire? Je vais envoyer. Non, pas pour l'instant. Ok. Le frère Iba. Oui, mon frère, j'avais pris mon micro là. Oui. Je crois que... arrête chez moi ici là. Je crois que tu vas nous recommander pour qu'on quitte la réunion parce que chacun va vaquer à ses occupations demain. Il faut que chacun rentre se préparer, pas vrai? Amen. Oh, mais c'est fini. On a dit le message est fini. Moi, il m'avait digéré le message. Tu veux encore quoi? Bon, d'accord. Ok. Oui. D'accord. On va prier. Ok. Père, nous reconnaissons ce que tu fais pour nous. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ta miséricorde. Merci, Père. Merci pour le soin que tu fais de chacun de nous. Merci, Père, pour cette heure glorieuse que tu nous donnes à nous, tes enfants de cette ère. Toi. Merci pour la parole que tu as mise dans la bouche de mon frère Francis. Merci, Père. Merci pour les instants glorieux que tu réserves au Cameroun et à la Côte d'Ivoire et à tout le monde entier. Oui, Père, tu as décidé de bouleverser le monde à partir de ce pays. Que toute l'honneur et toute la gloire te soient rendues au nom puissant du Seigneur. Père, maintenant, la réunion que tu as permis entre nous, frères et sœurs, et partout dans le monde, est arrivée à son terme ce jour. Père, je te recommande chacun de nous, chacun des frères et des sœurs, partout où ils se trouvent, dans le monde. Oui, Père, que tu conduises chacun, sain et sauf, dans sa demeure, que rien n'arrive à qui que ce soit que tu n'aies tiré pour eux. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, coupez, coupez, coupez, coupez, coupez, coupez, coupez, coupez, coupez, tout le monde coupez, coupez, coupez. Le frère Jean-Paul ne veut pas partir avec Flavie, coupez, coupez, coupez, coupez, que Dieu vous bénisse, que Dieu, mais tu es resté. Amen. Le frère Joben, que le Seigneur te bénisse, bye bye, la Sainte Carole, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse, coupez, coupez, coupez, coupez, coupez, coupez, coupez, coupez, coupez, coupez. Le frère Trabi, coupe, coupe, coupe, coupe, coupe, coupez, coupez. Voilà, coupez, coupez, coupez, bye bye, bye bye, bye bye. Coupez, coupez, coupez. Voilà, que Dieu vous bénisse. À toi, toute la gloire. toi toute la gloire.